Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le combat des Black Panthers dans les années 60 et 70 aux États-Unis. We want non-violence, just like Martin Luther King. But to sit and watch ourselves to be slaughtered, we must defend ourselves. As Malcolm X said, by any means necessary. We don't attack anyone, we want to attack. Nous sommes contre la violence comme Martin Luther King, mais comme Malcolm X, nous croyons qu'on doit se défendre quand on nous attaque avec l'intention de nous tuer. Le leader des Black Panthers, Bobby Seale, résume assez bien l'esprit et la philosophie du parti qu'il a fondé avec Huey Newton en octobre 1966, le Black Panther Party for Self-Defense. Les Panthères noirs veulent réaliser la révolution. De quelle sorte de révolution s'agit-il? C'est une révolution armée, parce que la non-violence a été un échec et que cela a été prouvé par l'assassinat même de Malcolm X. C'est une révolution qui cherche à détruire le système capitaliste. Et enfin, c'est une révolution qui cherche à instituer aux États-Unis un régime ou un État socialiste. Nous disons que cette révolution doit combattre sur deux fronts. À l'intérieur de la colonie noire, il faut un mouvement de libération nationale. Et à l'intérieur de la communauté blanche, les révolutionnaires blancs doivent instituer un mouvement révolutionnaire devant renverser le système capitaliste. Julia Wright Hervé, militante des Black Panthers, responsable du Centre d'information afro-américain de Paris, à l'émission Présent en 1969, pour nous décrire ce combat des Black Panthers aux États-Unis dans les années 60 et 70. Je reçois Jean-Pierre Le Glonec, qui est professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke, spécialiste de l'histoire des Afro-Américains. Jean-Pierre Le Glonec, bonjour. Bonjour. Quelle place ils occupent, les Black Panthers? Quelle importance ils ont dans cette marche des Noirs pour leur égalité aux États-Unis? Mais l'histoire du Black Panther Party for Self-Defense, qui est ensuite nommé tout simplement le Black Panther Party, je vais l'appeler le BPP pour faire plus simple, plus court, occupe une place très importante dans l'histoire des longues années 60. C'est un moment tournant dans l'histoire du militantisme noir et je crois que c'est un moment assez incompris puisqu'au fond, les figures du Black Panther Party sont encore aujourd'hui dans l'ombre de figures plus consensuelles comme celle de Martin Luther King ou Rosa Parks. Et le Black Panther Party, en fait, occupe une place si importante qu'il est aujourd'hui encore très controversé. Il suffit de se rappeler la performance de Beyoncé au Super Bowl 2016 lorsqu'elle danse accompagnée de ses danseuses, affublée finalement de costumes qui rappellent le costume paramilitaire des membres du Black Panther Party. Et dès qu'elle joue, dès qu'elle danse, dès qu'elle chante au Super Bowl 2016, la controverse est immédiate, l'incompréhension demeure aux États-Unis autour de ce mouvement crucial dans l'histoire des Afro-Américains. C'est un moment de fierté, un moment de fierté retrouvée pour les Noirs américains. Ouais. On ne veut pas voir l'Amérique blanche, en tout cas, ne veut pas, peut-être une partie de l'Amérique noire, vous me le direz, mais ne veut pas voir cet aspect-là du combat plus violent des Noirs. Oui, alors c'est un moment tournant. Je ne sais pas s'il est plus violent nécessairement, mais disons que dans l'histoire du militantisme noir, on distingue généralement deux périodes. Une première période, 55-64, jusqu'au moment où Martin Luther King obtient le prix Nobel de la paix. Et puis une deuxième période, 64, disons jusqu'en 73-74, lorsque le Black Panther Party tend à se désagréger, finalement, il y aurait une première bonne période qui serait la période de la non-violence, la période des héros tranquilles, comme Martin Luther King, consensuel, alors que Martin Luther King n'est absolument pas une figure consensuelle au début des années 60. Il est honni par l'Amérique, il est honni par la majorité silencieuse, il est traqué par le FBI. Et puis il y aurait la deuxième période, celle plutôt des nationalistes noirs et du Black Panther Party, qui serait le parti de la violence. Whites can help us, but they can't join us. There can be no black-white unity until there is first some black unity. Les Blancs peuvent nous aider, mais ils ne peuvent pas se joindre à nous. Il ne peut y avoir d'unité entre Noirs et Blancs tant qu'il n'y a pas d'abord une unité entre les Noirs. Nous ne pouvons pas souhaiter être légitimes aux yeux des autres tant que nous ne le serons pas à nos propres yeux. Concerning non-violence, it is criminal. En ce qui a trait à la non-violence, il est criminel d'enseigner à un homme de ne pas se défendre alors qu'il est constamment victime d'attaques brutales. Il y a plusieurs problèmes au sein de nos communautés, contaminés par tous ces vices qui en détruisent la fibre morale. Les dépendances aux drogues, la prostitution et le crime organisé volent aux communautés noires près de 90 % de leur potentiel économique et moral. Mon implication est motivée par le désir de réveiller les Blancs. Parce que s'ils ne le font pas, ils vont se rendre compte que ce petit noir qu'ils croyaient passif est devenu un lion rugissant et incontrôlable qui ne se trouve plus au pas de la porte, mais bien à l'intérieur de leur maison, dans leur lit, leur cuisine, leur sous-sol. Et que s'ils avaient agi à temps, ils auraient pu faire quelque chose. Malcolm X, lors de son célèbre discours « Une déclaration d'indépendance » prononcé le 12 mars 1964, ce qu'on vient d'entendre, c'est important dans l'équation pour comprendre un peu dans quel contexte est créé ce parti Black Panther Party. C'est en 66 que le parti est créé. Malcolm X est assassiné l'année d'avant, en 65. Parlez-nous un peu de... Mais il y a un lien entre cette montée d'une lutte plus agressive. Malcolm X incarne un peu déjà ça. Parlez-nous un peu de la situation des Noirs et du contexte dans lequel est créé le Black Panther Party. Oui, ben, le militantisme noir a une longue histoire que l'on peut faire remonter, disons, à la période post-esclavage, début de la reconstruction dans les années 1870. Mais finalement, le point de départ, c'est 1955, la création de la Southern Christian Leadership Conference, organisation d'églises noires que préside Martin Luther King. S'ajoute à cette association, la SCLC, s'ajoute le SNCC, SNCC, la Student Non-Violent Coordinating Committee, donc une organisation étudiante de lutte pour les droits des Noirs. S'ajoute également CORE, la NAACP, l'Association de défense des personnes de couleur. Et j'ajouterai également donc les musulmans noirs, qu'incarne notamment Malcolm X. Donc il y a tout un contexte qui participe à la création du Black Panther Party le 15 octobre 1966. Et l'Amérique qui, à certains égards, il y a comme du chaud et du froid, il y a des progrès absolument qui sont faits. En même temps, il y aura des assassinats, mais c'est là-dedans, là, dans ce contexte-là, que naît le parti. Tout à fait. Le Black Panther Party répond finalement à ce qui est perçu comme les insuccès de toutes ces associations, organisations que je viens de citer. Évidemment, les Noirs américains obtiennent un certain nombre de droits, de victoires. En 1964, loi sur les droits civiques adoptée par le Congrès. 1965, loi sur le droit de vote, donc protection du droit de vote des Noirs américains. Déségrégation dans le sud des États-Unis. On a déjà fait une émission sur la lutte de Martin Luther King, notamment à Birmingham, dans l'Alabama. Donc les victoires sont réelles. Le taux de pauvreté des Noirs américains est réduit considérablement dans les années 60. Mais en même temps, la situation des Noirs américains reste dramatique. Le taux de chômage des Noirs dans les années 60 reste le double du taux de chômage des Blancs. Les ghettos restent des ghettos. Et surtout, et ça c'est vraiment le point de départ finalement de l'action politique et sociale du Black Panther Party, la brutalité policière reste une réalité omniprésente pour les Noirs américains et les Noirs des ghettos, les Noirs en général, finalement, ils se sentent harcelés par la police. Oui. Donc, en octobre 66, la création du Black Panther Party, c'est comme un point qui tombe sur la table. On en a assez de cette violence, d'abord et avant tout, cette violence policière. Il faut y répondre. Comment ça démarre? Où est-ce que ça commence? Et qui est derrière la création de ce parti? Le point de départ, finalement, ce sont les doutes que certains Afro-Américains dans la baie de San Francisco expriment au sujet de la théorie de la non-violence. La non-violence a-t-elle été utile? Oui, à certains égards, mais elle semble avoir des limites. Les deux fondateurs du Black Panther Party sont Bobby Seale et Huey Newton, deux anciens étudiants du Merritt College, qui est un community college dans la ville d'Oakland. Et ces deux donc fondateurs du Black Panther Party veulent répondre finalement aux besoins de leur communauté. Ils veulent répondre en particulier aux besoins des habitants du ghetto noir d'Oakland, donc qui est la partie qu'on appelle Oakland West. Ouais. Et donc ils fondent ce parti, le Black Panther Party, afin, leur but premier n'est pas la violence, n'est pas de répondre finalement au problème de la race en Amérique par la violence. Non, leur objectif premier est d'utiliser une vieille loi californienne qui autorise le port d'armes non dissimulées. Et leur objectif est donc de mettre en place des patrouilles paramilitaires qui vont surveiller la police dans les quartiers défavorisés d'Oakland et en particulier le ghetto noir d'Oakland West. Alors ils utilisent cette loi ils parviennent à s'acheter des armes en vendant le petit livre rouge de Mao sur les campus universitaires de la région de San Francisco. Ouais. Alors, ils accumulent suffisamment d'argent pour acheter des armes d'occasion et ils suivent la police dans les quartiers noirs. D'où l'idée d'autodéfense, de self-defense. Absolument. Donc s'armer, mais pour se défendre. Absolument. L'objectif n'est pas du tout d'être violent. L'objectif est de surveiller la police à bonne distance. Ils n'ont pas le droit de s'approcher de la police de plus de 10 pieds. Et lorsque la police arrête un noir dans un des quartiers ghettoisés de la ville d'Oakland, eh bien, ils rappellent aux policiers les droits de ceux ou celles qu'ils arrêtent. Donc l'objectif premier est véritablement d'être une force communautaire, une force de quartier. Oui. À ça s'ajoute assez rapidement l'aspect plus purement politique. Il y a vraiment cette idée de presque, c'est une intention révolutionnaire, ça va assez loin, mais ça s'exprime, cette intention révolutionnaire, dans un programme qui, lui, est clairement défini. C'est assez fascinant. On écoute à ce sujet le cofondateur du parti, Huey Newton, et un militant du parti à Oakland, extrait de l'émission française « 5 colonnes à la une », diffusée en 1968. C'est un programme marxiste-léniniste. Je suis très influencé par la révolution cubaine. Les Black Panthers sont des révolutionnaires réalistes. Notre programme en 10 points. 1. Nous voulons la liberté, le pouvoir de contrôler notre communauté noire. 2. Nous voulons du travail pour tous les nôtres. 3. Nous voulons la fin de l'exploitation de notre communauté par les Blancs. 4. Nous voulons des logements décents, propres à abriter les êtres humains. 5. Nous voulons une éducation pour les nôtres, qui nous enseigne la vraie nature de cette société américaine décadente, qui nous enseigne notre véritable histoire et notre rôle dans la société contemporaine. 6. Nous voulons que tous les hommes noirs soient exemptés du service militaire. 7. Nous voulons une fin immédiate aux brutalités de la police et au meurtre des noirs. 8. Nous voulons que tous les noirs soient relâchés des nombreuses prisons, municipales, départementales ou l'État, où ils sont incarcérés en ce moment. 9. Nous voulons que tous les noirs qui passent en justice soient jugés par un jury de leur père ou par des gens de la communauté noire, comme le veut la Constitution. 10. Nous voulons de la terre, la justice, l'éducation, les logements, le droit de vote et la paix. Et comme principal objectif politique, un plébiscite supervisé par les Nations Unies dans toutes les colonies noires d'Amérique, où seuls les Noirs participeront pour décider ou déterminer la volonté du peuple noir et sa destinée nationale. C'est une vision très à gauche, franchement révolutionnaire, on vient de l'entendre, Jean-Pierre Le Glonnais. Quel objectif poursuit, si on avait à résumer cette vision-là, ce programme, quel objectif poursuit le Black Panther Party? Ben, j'ai envie de dire que ça résume finalement ce programme en 10 points qui est rédigé par Bobby Seale et Huey Newton le 15 octobre 1966, alors que le parti n'a aucun membre. C'est un programme qui est résumé par le symbole de la panthère noire. Oui. On n'en a pas encore parlé. Le parti emprunte ce symbole à une organisation politique de l'Alabama qui avait choisi le symbole de la panthère noire, car la panthère noire serait symbole de force, de royauté, de fierté. Donc en fait, le programme en 10 points vise à restaurer finalement, à redonner aux Afro-Américains la force et de leur donner la fierté. Hein? Donc programme en 10 points, le droit à l'autodétermination, mais qui n'est pas le droit à la séparation. Le Black Panther Party n'est pas un parti nationaliste qui vise à la création d'une nation noire séparée des États-Unis, la fin des brutalités policières et du meurtre des Noirs, et Dieu sait que la brutalité policière est la règle dans les années 1960. Ouais. La libération des Noirs des prisons, grande demande évidemment, irréaliste dans le contexte des années 60, l'exemption des Noirs du service militaire, car ce sont les Noirs qui majoritairement sont envoyés au Vietnam dans les premières années du conflit, 65, 66, 67, ce sont d'abord des Noirs très jeunes qui ne peuvent même pas voter, qui sont envoyés au Vietnam et qui meurent de manière disproportionnée par rapport aux Blancs. Donc une espèce de démarche d'autodétermination, peut-être un peu semblable à ce que revendiquent les Autochtones chez nous, en tout cas un gouvernement de Noirs pour les Noirs dans ce pays qui resterait, il ferait toujours partie des États-Unis. Tout à fait. C'est ça l'idée. Tout à fait. Et le BPP d'ailleurs se pose très vite en contre-gouvernement. Ouais. Le BPP a un président, un ministre de l'Information, un ministre de la Défense. Donc, il est bien clair que le Black Panther Party n'est pas seulement là pour l'autodéfense, il est là pour la création d'une société révolutionnaire. Et cette création-là, créer une société révolutionnaire, suppose d'éduquer la population des ghettos noirs, suppose la création d'écoles de la liberté. Ouais. C'est le cas notamment à Oakland, on y reviendra peut-être. En avril 67, on se dote, le Black Panther Party se dote d'un journal. C'est important. À quoi ça ressemble, ce journal, et quel impact, quelle importance il aura, justement? Alors, c'est un journal capital. Il est au plus important de sa publication. Il est tiré à plus de 100 000 exemplaires par semaine. Le journal est vendu 25 sous la copie. Il est vendu à travers les États-Unis parce que, à l'origine, le BPP est un tout petit parti avec un seul membre, Bobby Hutton, qui a seulement 16 ans. Mais très vite, au printemps 1967 et surtout à l'été 67, le BPP essaime à travers la nation. Le journal, finalement, est lu à travers la nation et aussi à l'étranger. On a une branche du BPP à Londres, un peu plus tard en Algérie. Donc, le journal est vendu 25 sous. La copie, je crois qu'il coûte environ 12 sous à produire. Et le reste, donc, sert finalement à financer l'action politique du BPP, mais aussi les programmes communautaires, finalement, du parti. Ouais. C'est un journal magnifiquement illustré qui touche beaucoup ses lecteurs parce qu'il représente les Noirs en position de force. Les membres du BPP ont un style particulier, une fierté particulière. Ils portent le béret noir, ils ont une veste de cuir noire, des chaussures noires. Hein. Ouais. Ils représentent une Afro-Amérique qui n'a plus peur, qui n'est pas là seulement pour être attaqué par la police ou être mordu par des chiens. Hein. Martin Luther King, lui, était prêt à accepter cette violence au début des années 60. Les membres du BPP ne sont plus prêts à accepter ce genre de situation-là. Comment réagissent les autorités face à ce que devient, vous disiez, les chiffres sont impressionnants, 100 000 exemplaires, il y a à l'été 67 un réel engouement, le mouvement est parti, ce petit parti qui part d'à peu près nulle part, qui devient une force réelle avec toute cette fierté qu'il incarne. Comment réagissent les autorités fédérales, à ce qui doit être, de leur point de vue, assez rapidement considéré comme une menace? Ah, c'est une menace terrible. Les autorités municipales et le FBI considèrent le Black Panther Party comme la pire menace à la sécurité interne des États-Unis. J. Edgar Hoover, le directeur du FBI, estime que le BPP est l'ennemi à abattre à la fin des années 1960. Il faut se mettre à la place de la majorité blanche et de la majorité silencieuse en 1967, lorsqu'il voit défiler au Capitole de Sacramento une dizaine de Noirs armés, pas jusqu'aux dents, mais presque finalement dans l'imaginaire blanc, demander leurs droits. Oui. Au début des années 60, les Noirs que l'on voyait à la télévision étaient des Noirs qui étaient battus par la police, poursuivis par des chiens. Et désormais, ce sont des Noirs fiers, droits, qui regardent droit dans les yeux l'Amérique et la police et qui demandent le droit à l'autodétermination. Alors, la réaction est immédiate de la police. Le BPP est traqué par les polices municipales. Ses membres sont harcelés par la police, arrêtés pour des raisons absolument imaginaires. Le FBI mine le mouvement en payant des informateurs, en envoyant des lettres aux différents membres du BPP afin de créer des dissensions à l'intérieur du parti. Le contre-renseignement américain est très actif à la fin des années 60 et au début des années 70 pour mettre un point final à cette menace socialiste. Le BPP est une menace socialiste. Et cette opération d'infiltration, on va y revenir dans un instant, parce qu'au bout du compte, c'est ce qui aura raison du BPP. Mais un mot sur la répression quand même. Il y aura de très, très nombreuses victimes. La machine des autorités fédérales, municipales, mais le FBI, beaucoup, va attaquer les membres, emprisonnement, assassinat. Il y en aura vraiment des dizaines. Oui. La séquence, ça s'ouvre probablement avec l'arrestation de Huey Newton, mm-hmm. un des deux cofondateurs, en octobre 67. Dans quelles circonstances il est arrêté et qu'est-ce que ça provoque, l'arrestation de Huey Newton? Huey Newton est arrêté en octobre 67. Pour une raison, en fait, on ne connaît pas très bien le contexte de l'arrestation, mais c'est une arrestation classique, comme il y en a encore tant aujourd'hui aux États-Unis, c'est-à-dire une arrestation pour une infraction au code de la route. Et ensuite, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais le résultat des courses, c'est qu'à la fin de l'arrestation, il y a un mort du côté de la police, un blessé du côté de la police, et Huey Newton est gravement blessé. Il est gravement blessé, envoyé à l'hôpital, et il est filmé, photographié, on le voit accroché par une menotte à son lit d'hôpital, alors qu'il est gravement blessé. Et finalement, cette image choque, bien sûr, les membres du BPP, mais elle choque bien au-delà. Elle choque l'Amérique radicale, elle choque les étudiants opposés à la guerre du Vietnam, elle choque les socialistes, elle choque tous ceux et celles finalement qui font partie de la contre-culture et qui sont prêts à s'allier au BPP. Donc l'arrestation de Huey Newton est une très mauvaise, enfin je veux dire politiquement ou d'un point de vue publicitaire, est très mauvaise pour le pouvoir, puisqu'elle elle encourage la création d'une alliance BPP, étudiants radicaux opposants à la guerre du Vietnam. Huey Newton est emprisonné, il est condamné, et il est libéré en 1970 au terme d'une grande lutte pour, finalement, la justice. Oui. Mais une lutte qui aura fait, encore une fois, beaucoup, beaucoup de victimes. Des dizaines de militants du BPP vont être assassinés. Absolument. Dans différentes opérations. En 69, il y a un virage. Je ne sais pas si c'est le fait de cette infiltration du FBI, parce qu'il y a des dissensions à l'interne, vous le disiez, à l'intérieur du parti, mais on s'éloigne un petit peu du concept d'autodéfense armée pour prendre un virage plus social, plus communautaire. Qu'est-ce qui se passe et comment ça se manifeste, ce virage-là? Il se passe que le BPP, encore une fois, je l'ai dit, est traqué par le FBI, miné de l'intérieur, mais il y a aussi d'importantes dissensions entre ceux qui sont plutôt partisans de la violence et qui sont minoritaires. Je pense notamment à Eldridge Cleaver, un personnage très important du BPP, qui lui est favorable à la violence. Et puis on a de l'autre côté, finalement, les plus vieux membres du BPP qui, eux, estiment qu'il faut revenir à la source de la philosophie du parti, c'est-à-dire qu'il faut venir en aide aux membres des ghettos noirs à travers les États-Unis, et en particulier le ghetto d'Oakland West. Mais je dirais que le point de départ, c'est la mort de Bobby Hutton, un jeune de 18 ans, assassiné par la police en 1968, alors qu'il est non armé. Ouais. Il était dans le sous-sol d'une maison, il sort de la maison, il est à demi nu et il est abattu par la police alors qu'il ne porte pas d'armes et qu'il est évidemment dans une position d'infériorité. Ça, c'est un peu le point de départ, car le BPP finalement s'interroge sur la mort de ses militants. Bobby Hutton était le premier militant du BPP et il est assassiné en 68. Donc c'est vrai qu'à partir de 68-69, les membres du BPP opèrent un virage, ouais. Un virage vers la création, le développement de ce qu'ils appellent des programmes de survie. L'objectif n'est plus tant l'autodéfense ou la surveillance de la police municipale que d'offrir la possibilité aux Noirs américains de survivre. Ouais. Avec des trucs très concrets, là. Programmes alimentaires dans les écoles, un volet social. Ah oui, absolument. Et des programmes très importants, mais qui ne sont pas du tout, qui ne sont pas décrits par les journalistes de l'époque. Ouais. Le New York Times, qui a fait d'ailleurs son mea culpa récemment, ne voit que la violence. Mmh. Les journalistes ne voient que la violence. Ils font le jeu du FBI et des autorités. Ouais. Alors qu'en fait, au début des années 70, le BPP, ce sont des déjeuners gratuits dans les écoles du ghetto d'Auckland, mais aussi à travers l'Amérique, des distributions de chaussures et de vêtements, la création de dispensaires médicaux qui offrent la possibilité de dépister certaines maladies, lutte contre la dépendance à la drogue, programme de transport pour les familles de détenus. Gouvernance parallèle, on y revient. Absolument, ouais. Absolument. Filet de sécurité sociale pour les Noirs américains. En terminant, qu'est-ce qui aura finalement raison? Tout ça va imploser dans les années 70. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, je pense que le point de départ, ce sont des dissensions internes très fortes, qui ont été d'ailleurs favorisées par le FBI, qui a infiltré le BPP. Mais je pense que la raison plus large, c'est finalement une réorientation du militantisme noir. Il y a une réorientation donc en 66-67 et une nouvelle réorientation au milieu des années 70, alors que le pouvoir noir, désormais, s'obtient finalement de manière électorale. Dans les années 70, on assiste à l'élection de maires noirs, de représentants noirs, de sénateurs, de sénateurs locaux noirs. Ouais. Donc finalement, le militantisme noir évolue. Ouais. Dans les années 70. Jean-Pierre Le Glonec, c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci à vous. Jean-Pierre Le Glonec, professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.